Bonjour, 5 places pour le voyage fantastique, s'il vous plaît. Alors, 2 adultes et 3 enfants, ça nous fait 48 euros. Ah, bon. Bah, Tom et Lucas, vous nous attendez sagement ici. Votre sœur vous racontera le film en sortant. Une famille, ça peut coûter cher. C'est pourquoi, à la Caisse d'épargne, on a créé Formule Famille. Un forfait bancaire avantageux avec un compte, une carte et un conseiller pour chacun, mais une seule cotisation pour toute la famille. Caisse d'épargne, vous être utile. Voir conditions en agence. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, les ensorcelés du Berry. Au début des années 70, il existe en France un bout de territoire, cabossé de collines, creusé de chemins capricieux, morcelé de forêts sombres et autres recoins mystérieux. Un endroit peuplé par des paysans qui vivent en marge de la société, bien loin du progrès technique d'alors, qui envoie pourtant des hommes dans l'espace, bien loin de la médecine d'alors, qui greffe des cœurs, bien loin de l'information qui offre une ouverture sur l'extérieur. Ici, dans cet espace sans véritable frontière, les questions, les conflits, les peurs, la jalousie et la misère trouvent parfois dans la sorcellerie une explication et souvent un remède. Oui, la sorcellerie. Cette pratique mystique et millénaire qu'ailleurs en France, les habitants des grandes villes ont rangée au rayon des phénomènes absurdes, eh bien cette même sorcellerie engendre dans la région du Berry des tas d'histoires aussi étranges qu'incroyables que les habitants se transmettent de bouche à oreille. Parmi elles, il y a la mésaventure vécue par le docteur Lavaronnière, un vétérinaire dont la vie et l'exploitation agricole ont basculé en enfer le jour où quelqu'un lui a jeté un sort, faisant de lui une nouvelle victime de ce qu'on appelle alors les ensorcelés du Berry. Nos invités aujourd'hui, les journalistes Philippe Alfonsi et Patrick Penaud. Pendant 2 ans, ils ont enquêté sur cette affaire au cœur même du Berry. Ils ont retrouvé et disséqué le journal personnel d'Henri Lavaronnière, dont vous entendrez des extraits au cours de ce récit. Philippe Alfonsi et Patrick Penaud sont les auteurs d'un livre référence sur ce sujet intitulé « L'œil du sorcier », réédité aux éditions de Boré en 2011. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mars 1957, route nationale 925, région du Berry, quelque part entre Châteauroux et Bourges. Nous sommes ici à la jonction des départements de l'Indre et du Cher, en plein centre géographique de la France, à 250 km à vol d'oiseau de Paris. Par cette froide matinée d'hiver, un homme et une femme en voiture. Dans le coffre, des valises, des draps, des habits, des bibelots. Et sur la banquette arrière, une petite fille qui joue au milieu des pots de confiture et d'un panier contenant eau, vin et nourriture. Sur les genoux et entre les mains de la passagère, une carte de la région. Voilà. À mesure que les kilomètres défilent, derrière les fenêtres embuées du véhicule, le paysage offre un seul et même spectacle, intrigant. Champs recouverts d'une brume épaisse, marais vaporeux, forêts denses, chemins creux bordés de talus. Voilà pour le décor de cette campagne sauvage, reculée, oubliée. Après avoir zigzagué pour éviter les branchages et le cadavre d'un petit animal mort sur la chaussée, le véhicule tourne à droite et continue d'avancer sur un petit chemin de terre. Tout autour, c'est le silence. Main sur le volant, le conducteur n'ignore rien des histoires locales. Natif de la région, il sait qu'ici, les pratiques ésotériques rythment la vie depuis des générations. Et il sait mieux que personne que rumeurs et autres racontars hantent les consciences collectives, autant d'ailleurs qu'elles terrorisent les paysans des environs. À tel point que devant leur maison, certains habitants ont tracé de petites croix au sol pour se protéger du mauvais sort. Sur les routes et les chemins, d'autres ont répandu du sel et de l'eau bénite. Dans les églises, les prêtres se livrent à des cérémonies d'exorcisme, invoquant la puissance divine et la miséricorde pour sauver des âmes dévorées par le diable. Et il se trouve que le Berry et ses habitants n'ont pas pour habitude de partager leurs histoires avec les étrangers. Les témoignages sont donc rares. La parole, elle, est souvent remplie de peur et d'appréhension, comme celle de cette femme, interrogée à la sortie d'un village, et qui suspecte l'une de ses voisines d'être une sorcière. Mais vous, quand vous croisez cette personne, quand elle passe devant la boulangerie... Elle ne veut pas me dire bonjour. Non, mais elle vous regarde. Tout à l'heure, non. Mais elle a été qu'elle me regardait. Alors vous, qu'est-ce que vous faisiez, là? Mais ben, je vous dis, j'y faisais le signe de croix, j'y faisais toutes sortes de... La gendarmerie m'avait dit d'y faire le signe de croix. Moi, j'y ai fait. Ça suffisait, ça? Ben oui, elle avait tout... Elle sautait en l'air comme un lapin à la rue, alors. Quand vous les faisiez le... Oui, la première fois de toutes, tout de suite après l'histoire du pain. Alors, j'en étais dans là, moi et mon mari, quand elle nous a vus, mais elle sautait en l'air dans la rue, intenable, c'était comme une folle. S'il n'y avait rien eu, elle n'aurait pas fait ça. Depuis le Moyen-Âge, le mythe de la sorcière, du loveur de sorts, du guérisseur et autres rebouteux agite et chahute les campagnes du Berry. De vieux récits affirment qu'autrefois, les druides avaient choisi cette région pour en faire le centre sacré du royaume des Gaules. Son sous-sol serait propice à la rencontre avec les astres et les planètes. Ici, sous ces terres de culture, d'apparence banale, se cacheraient donc, et depuis toujours, des forces obscures. Les livres d'histoire témoignent du passé trouble de cette région. Au XVIe siècle, par exemple, on a jugé à Bourges, chef-lieu du Berry, plusieurs centaines d'hommes et de femmes accusés d'être des sorciers ou des sorcières. Tous ont été condamnés à mort et brûlés sur d'immenses bûchers en place publique. Ainsi, leurs maléfices, pensait-on alors, disparaîtraient dans les flammes. Et ensuite, le calme reviendrait et il est revenu sur ce qui est le plus vieux des territoires agricoles de France. Les champs se portent bien, les paysans aussi, la situation est prospère. Il faut attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour qu'un grand bouleversement vienne raviver la flamme de ces phénomènes occultes. Avec le début de la révolution industrielle, les campagnes se vident. C'est le début de l'exode rural. Les familles de paysans du Berry qui ont choisi de rester se retrouvent isolées. Partout, on manque de professeurs dans les écoles et de médecins. Dans les villages, on commence alors à pratiquer ce qu'on appelle la médecine du pauvre. Ici ou là, des personnes aux dons prétendument divins proposent leurs services pour guérir des problèmes en tout genre. Affections de la peau, brûlures ou piqûres. D'autres individus prétendent pouvoir soigner la terre quand celle-ci n'est pas assez fertile ou même remettre sur pied des animaux malades. Interrogé sur cet étonnant retour aux pratiques ancestrales, un abbé de la région affirme qu'il s'agit là de l'unique réponse que les paysans ont trouvée face à la misère et à la pauvreté. Peut-être y voit-il d'ailleurs une certaine concurrence. Il m'est arrivé d'aller dans des familles où souvent c'est la misère, où la pauvreté, le découragement, de bénir des oies, des poulets, des dindes. Et qu'on me disait, ils veulent pas couver. Et on m'apportait à la sacristie une oie avec un chapelet dans le cou, en me disant pour sûr qu'elle ne veut pas couver cette oie. Les voisins nous ont ensorcelés et on n'aura pas des petits oiseaux, on n'en aura pas cette année. La littérature, elle aussi, et assez naturellement, va jouer un rôle décisif dans l'apparition de la sorcellerie et ancrer le phénomène dans la culture populaire. Avec son roman « La mare au diable », l'écrivaine George Sand, elle-même originaire du Berry, allait visiter sa maison à Louhans le vaut le détour. George Sand, donc, relate la vie des habitants de la région et met en lumière ce mélange saisissant entre incarnation protectrice et sort de magie noire qui rythme leur quotidien. D'ailleurs, la mare supposée maléfique, décrite par la romancière, existe vraiment, oui. Elle se trouve dans le bois de Chanteloup. Et depuis la publication du livre, la rumeur prétend que faire le tour de cette mare porterait malheur, car au fond de celle-ci, peut-on lire dans le roman de George Sand, il y aurait une grande croix symbolisant la mort d'un enfant dans des conditions atroces. Une chose est certaine tout de même. Un siècle plus tard, au milieu du XXe, dans la France de l'après-guerre, la magie est devenue une pratique courante dans les campagnes isolées du Berry. Face aux drames et aux peines du quotidien, elle fait figure d'exutoire. Quant à la logique ou à la rationalité scientifique, chacun ici semble avoir renoncé à la chercher. C'est un peu comme au catéchisme, où dans une dialectique que monsieur le curé use jusqu'à la corde, si le sorcier représente le mal, l'église représente le bien, forcément. Que peut être exactement un sorcier ? Un sorcier, c'est quelqu'un qui fait alliance avec le diable, avec l'esprit du mal, pour se venger contre les hommes et faire le mal vis-à-vis de son semblable. Créer, tu vois, des difficultés dans la famille, dans les récoltes, dans les animaux et même sur l'individu. Le sorcier, c'est celui qui fait mal. Parce qu'il est voué, il a donné, il a vendu son âme au diable pour avoir certains pouvoirs et il les exerce en vue de faire le mal. Est-ce que vous connaissez des sorciers qui n'habitent pas loin d'ici ? Dans la région ? Oui. Ah, faut que je te le dise. T'en aurais bien peur ? En ce mois de mars 1957, un vent glacial souffle sur le Berry. Partout, il chahute la cime des arbres, fouette les longues herbes dans les champs et fait claquer les volets des maisons. En milieu d'après-midi, la voiture qui sillonnait jusqu'ici les routes et les chemins avec un couple et une enfant à bord approche enfin de sa destination. Un grand domaine, constitué d'une vaste demeure à étages et d'un grand corps de ferme avec étable, grange et abri pour les tracteurs. Vu de loin, l'endroit est en piteux état. Toiture abîmée par le temps, peinture lessivée par l'orage, rongée par la végétation, jardin laissé à l'abandon depuis plusieurs années. Et bien ce lieu, on l'appelle la Greugne. C'est le fief d'une grande famille de cultivateurs et de propriétaires agricoles bien connus dans la région, les Lavaronnières. Et précisément, l'homme de grande taille qui descend de voiture après s'être garé dans la cour du domaine n'est autre qu'Henri Lavaronnière, petit-fils et unique héritier de la famille. À 54 ans, ce vétérinaire fortuné et chercheur réputé a décidé de revenir s'installer ici avec sa femme Clémence et leur petite-fille Thérèse. Ambitieux, le docteur Lavaronnière entend faire de son héritage le plus grand domaine d'élevage des environs. Et pour y parvenir, il a déjà acheté 200 moutons d'une race les plus nobles. Il a embauché 2 commis et il a décidé de s'installer à l'année ici, dans le Berry. Pour autant, Henri Lavaronnière sait que cet endroit traîne derrière lui une supposée malédiction. Bois-du-Cros est un vaste domaine de 150 hectares situé à une quinzaine de kilomètres de notre maison de la Greugne. Des champs à perte de vue, traversés par endroits par une petite rivière. Un endroit splendide à première vue, mais un endroit qui a toujours appelé le malheur. Par le passé, on y a en effet découvert 2 hommes morts de circonstances jamais élucidées. Cette terre a aussi fait la ruine d'un de mes cousins. Il l'avait acheté fort cher et, malgré des années de travail, son avoine n'a jamais levé, son foin a pourri, ses bêtes sont mortes les unes après les autres. Lorsque je suis revenu ici, j'étais plein d'orgueil et je voulais croire que ce qui était arrivé aux autres ne pourrait pas m'arriver à moi. Un immense terrain, une grande demeure, le tout au service d'une grande ambition. Henri Lavaronnière est certain qu'avec sa maîtrise de la science vétérinaire, il va faire taire les vieilles histoires qui planent sur la terre de ses ancêtres et surtout, il va égaler les grands propriétaires normands avec lesquels il travaillait jusqu'ici en soignant leurs bêtes. Le docteur Lavaronnière est d'autant plus confiant qu'à quelques dizaines de mètres de là, dans la seule maison voisine de la propriété, on accueille son retour à la Greugne avec ferveur, sourire et un verre d'alcool aux prunes. Ces gens qui semblent si contents de le revoir, ce sont les Mauvoisins, une famille d'une dizaine de personnes, des paysans avec quelques bêtes qui vivent entassées dans cette petite bâtisse qu'ils louent depuis des décennies à la famille du vétérinaire. L'autorité, c'est Solange, la mère. Henri Lavaronnière la connaît depuis l'enfance, ainsi que son mari, Jules. Alors, entre eux, le lien de confiance est fort, et le vétérinaire livre chiffres et confidences sur son grand projet. Sur le domaine du Bois-du-Cros, les semaines passent. Chaque jour après le déjeuner, Henri Lavaronnière se rend au champ pour surveiller son exploitation. Ici et là, tout se déroule sans problème. Les moutons s'acclimatent bien, on les entend, ils sont en forme et broutent l'herbe comme tout ovide et heureux. Les 2 commis font correctement leur travail. À la maison de la Grugne, comme chaque jour quand il fait beau, Clémence s'occupe du potager et Thérèse joue dans le jardin. Quelque temps plus tard, au début de l'été, un homme se présente à la porte. Un certain Justin Maugrand, un ami d'enfance d'Henri Lavaronnière. Il a le dos voûté, le teint blême et l'air anxieux. Après quelques palabres de courtoisie, il explique les raisons de sa venue. « Mes moutons, dit-il d'une voix inquiète, ils n'arrivent plus à mettre bas. Pire, certains sont malades. Je suis déjà allé voir un vétérinaire qui m'a fait dépenser une fortune pour l'achat de traitements en tout genre. Mais rien à faire, poursuit Justin Maugrand. Puis, il affirme que son exploitation et lui sont condamnés car, dit-il, on lui a jeté un sort. » Le vétérinaire se remémore alors les étranges prières que son père disait le soir dans les champs et surtout les très nombreuses histoires qu'on raconte ici et là sur des animaux victimes d'un mal inconnu, comme le montre ce reportage réalisé quelques années plus tôt en 1965. Des vaches qui semblent nous regarder comme habitées d'un esprit supranaturel, c'est presque la vérité, puisque nous nous trouvons dans une ferme du Berry que l'on dit ensorcelée. Madame Pertossi, vous êtes cultivatrice à Auchy-sur-Aubois depuis plusieurs années et il se passe des phénomènes curieux parmi votre bétail. Oh oui, monsieur, malheureusement. Bien, écoutez, dans les bêtes, on a eu vraiment de la mortalité, ma femme. Vous ne pouvez pas faire de beurre avec votre... Presque pas. Vous avez pris des précautions, vous avez demandé au vétérinaire. Oh oui, monsieur, on a fait venir vétérinaire et même plusieurs vétérinaires, mais il n'y a pas un qui s'y connaît dans ces choses-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, cher monsieur, je ne sais pas. Vous savez, on cherche même quelqu'un, si réellement on peut trouver quelqu'un qui s'y connaisse, qui puisse nous délivrer de ce mal-là, parce que ça fait réellement longtemps que ça dure. Hein. Ce jour-là, lorsque Justin Maugrand repart de la Grugne, Henri Lavaronnière le raccompagne jusqu'à l'entrée du domaine. Le vétérinaire peut-il alors se douter que tapis dans l'ombre, derrière la haie, quelqu'un écoute, quelqu'un observe? Non, probablement pas, car la nuit tombe déjà sur le Berry, et tout autour, un noir profond et un silence pesant s'emparent de la campagne. La visite de Justin Maugrand était-elle l'avertissement d'une menace à venir? Une chose est sûre, au cours de l'automne 57, l'exploitation du docteur Lavaronnière est la cible de phénomènes inquiétants. Ainsi, dans la demeure de la Grugne, chaque soir, Henri et sa femme Clémence sont réveillés par un bruit étrange. Pendant plusieurs minutes, un son strident résonne dans les murs de la maison. Ça ressemble, comment dire, à une sorte de grincement persistant. Après avoir fouillé la maison de fond en comble, le docteur Lavaronnière tente de rassurer sa femme et de la convaincre que c'est le vent qui souffle sous la toiture, provoquant ce sifflement. Mais par la suite, les choses vont prendre un tournant plus dramatique. À la fin août, chaque matin, les deux commis retrouvent les corps de plusieurs moutons morts. D'autres ont des difficultés à se tenir debout. Là encore, le docteur Lavaronnière, vétérinaire réputé, tente de trouver une explication logique, scientifique, rationnelle. Il fait des recherches, des analyses, mais ne trouve rien. Il sollicite donc le laboratoire central de recherche vétérinaire de Maison Alfort. L'autopsie du cadavre des animaux n'apporte aucun résultat. Plus étonnant, lorsque Henri Lavaronnière envoie trois moutons malades pour prélèvement sanguin à Paris, ces derniers retrouvent la santé. Serait-ce donc la terre qui serait contaminée? Et si oui, par quoi? Une maison aux bruits étranges, des animaux qui meurent pour une raison inconnue. À cela s'ajoutent les troubles qui affectent toute la famille Lavaronnière. Clémence souffre de maux de tête et de crises d'angoisse. Idem pour leur fille Thérèse. Quant à Henri, pourtant vaillant homme avec une santé de fer, il est soudain victime de vertige, il se sent oppressé et n'a même plus la force de tenir et de lire son journal. Plus tard, il écrira cette lettre qui traduit son état. Physiquement, je suis sans force, sans courage, sans ressort, accablé et réduit au fauteuil. Intellectuellement diminué, l'esprit comme fermé, bien souvent incapable de saisir valablement ce que je tente de lire pour meubler mon désœuvrement forcé. J'ai fait tout un tas d'expériences qui n'ont abouti à aucun résultat concret. Je n'ose en écrire plus. Une terrible obsession s'est installée dans ma vie, une obsession d'un autre âge que je me refuse à citer ici. Un jour, Henri Lavaronnière décide d'aller de l'autre côté de la haie pour rendre visite à la famille des Mauvoisins. Comme à leur habitude, ces derniers l'accueillent chaleureusement. Solange lui offre une part de galette pour le remercier d'avoir soigné une de leurs bêtes. Bien. Assis à la table, Henri Lavaronnière raconte alors ses malheurs à la famille Mauvoisin. Tous l'écoutent attentivement. Et le soir, quand il rentre chez lui, sans trop savoir ni pourquoi ni comment, le vétérinaire se sent mieux. Oui, subitement, il a retrouvé l'appétit et il a bien meilleure mine. Mais la calmie ne dure qu'un temps. 3 jours plus tard, il ressent de nouveau les mêmes symptômes. Après avoir épuisé toutes les ressources de la science, Henri Lavaronnière décide d'appeler au secours une vieille connaissance. Au début du mois d'avril 1958, il envoie une lettre à une habitante de Lisieux, une vieille dame qui répond au nom de Jeanne Anguernet. Dans ce courrier, signé de la main du vétérinaire, ces 4 mots « Venez vite, situation désespérée ». Les démons. Ils prendront sans danger des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Le Christ, mes frères, a tenu sa promesse. un dimanche d'avril 1958 dans un village de la région du Berry. Les habitants assistent à la messe. Derrière l'autel, le curé tient un discours enflammé autour de la sorcellerie. L'église se sent utile, vive la crise. Le soir même, à la Grugne, dans la maison de la famille Lavaronnière, la grande horloge du salon sonne les coups de 21h. Lorsqu'une voiture fait son entrée dans la cour, une dame âgée en descend. À la fenêtre de sa maison, de l'autre côté de la haie, Solange, mon voisin, guette. Curieuse de savoir qui est cette femme, au visage fermé, aux longues mains et au petit nez pâté, qui vient rendre une visite si tardive au docteur Lavaronnière. Voilà quelque temps que le vétérinaire n'avait pas revu Jeanne Anguerny. Cette dame, il la rencontrait chez l'un de ses anciens clients en Normandie, dont les vaches, victimes d'un mal incurable, étaient condamnées à mourir. Madame Anguerny avait réussi à guérir les animaux grâce, disait-elle, à son don. Depuis cet épisode, le vétérinaire est persuadé que la vieille dame possède un pouvoir supérieur à celui de la science. Il lui a donc écrit 2 jours plus tôt pour lui demander son aide. À son arrivée, Madame Anguerny était anxieuse. Quelque chose n'allait pas. Elle m'a dit tout de suite que j'avais bien fait de l'appeler, car d'après elle, il ronronnait autour de nous la mort d'un être agonisant. Elle s'est mise ensuite à marcher en direction du champ. Elle fouillait avec ses mains dans l'obscurité, changeait brusquement de direction, marmonnant d'étranges paroles. Puis, elle s'est retournée et m'a ordonné d'éteindre ma lampe de poche. Autour d'Henri Lavaronnière et de Madame Anguerny, le ciel est noir. Impossible de voir à plus de 3 mètres. La guérisseuse avance dans le champ, les herbes folles à hauteur de genoux. Le vétérinaire tente de la suivre, mais dans l'obscurité, il trébuche. Et à mesure que la vieille dame s'éloigne dans la nuit, il tente de la rattraper. Dans ce silence anormal, je fus pris de panique. Je me mis à courir dans sa direction. Je manquais de tomber à nouveau. Les ronces et les branches basses me fouettaient. Mes poumons faisaient un bruit de forge. Mais j'avais beau marcher et marcher, Madame Anguerny semblait avoir disparu. Lorsqu'il rallume sa lampe de poche, 10 minutes sont nécessaires au vétérinaire pour retrouver le chemin qui mène à la cour du domaine. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre le visage souriant de Jeanne Anguerny à côté de sa voiture. D'un ton calme, elle dit au vétérinaire « Tout ira bien, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, allons demander l'aide du bon Dieu. Je retournerai demain soir répandre du sel et de l'eau bénite dans toute la propriété. Vous serez libéré avant 24 heures, je vous le promets. » Ce soir-là, pour la première fois depuis bien longtemps, la maison ne fait pas de bruit étrange et le docteur Lavaronnière, sa femme et leur fille Thérèse s'endorment soulagés. Pendant 2 semaines, l'exploitation du bois du Croc retrouve son calme et sa sérénité. Pendant 2 semaines, la santé de la famille Lavaronnière s'améliore. Et pendant 2 semaines, le vétérinaire se prend à rêver que son cauchemar est terminé, que désormais tout va redevenir comme avant. Mais dans les jours qui suivent, par une matinée pluvieuse, il est réveillé par l'un de ses commis qui lui annonce en panique qu'un grand malheur est arrivé aux moutons du domaine. Henri Lavaronnière s'habille et se précipite sur place. Lorsqu'il arrive, il découvre un spectacle cauchemardesque. En arrivant, un spectacle inimaginable s'offrait à moi. Dans les bergeries, dans les pièces de terre, tout au long des clôtures et des bouchures, il y avait des moutons pendus. Certains semblaient avoir sauté dans les barbelés, d'autres entre les branches d'arbres. Une 50aine de mes bêtes venaient de perdre la vie en une seule nuit. J'étais désespéré. Il était clair que le sort avait été jeté à nouveau, avec plus de force que jamais, comme pour me punir d'avoir voulu me défendre. L'épisode provoque chez le vétérinaire un traumatisme majeur. Sous le choc, il se rend au village et demande à rencontrer le doyen de la communauté qui affirme que quelqu'un a jeté un mauvais sort sur le domaine du bois du Croc. Le lendemain matin, le curé du village vient bénir la terre. Sans résultat. Appelée une nouvelle fois à la rescousse, Jeanne Anguerny revient chez les Lavaronnières. Et cette fois, la vieille dame affirme avoir senti une présence maléfique. Oui, là, tout près. Et elle affirme, il y a une sorcière. Henri Lavaronnière, dont l'état empire de jour en jour, alterne les moments de folie et de crise de paranoïa. Dans l'impasse, il décide de solliciter tous ceux qui dans la région pourraient l'aider. Leveur de sorts, guérisseuses en tout genre, et même un curé, sait-on jamais. Et il les paye tous grassement, en liquide. Pendant 2 ans, le vétérinaire se plonge dans le monde de la sorcellerie. Lui, dont on vantait jadis le pragmatisme et la rationalité scientifique, le voilà désormais réduit à lire recueils de maléfices et autres ouvrages sur la magie. Entre-temps, il arpente le domaine du bois du Croc avec son fusil prêt à tirer sur celui ou celle qui s'en approcherait. Jusqu'au soir où une visiteuse se présente à la porte de leur maison. Printemps 62, Madame Anguerny est de retour chez les Lavaronnières et cette fois, elle affirme qu'elle sait qui est le sorcier jeteur de sorts. Elle demande juste qu'on la laisse travailler tranquille. Le lendemain, elle se rend au domaine du bois du Croc en fin de journée. Elle marche d'un pas déterminé, puis revient en arrière, récite des incantations mystérieuses et fait le signe de croix face à chacun des 4 points cardinaux du domaine. Lorsqu'elle revient, elle demande au vétérinaire d'arracher une touffe de laine sur chaque mouton et de les mettre dans sa petite sacoche en cuir. Henri et Clémence Lavaronnière s'exécutent sans poser de questions. Le surlendemain, lorsqu'il revient du village, le vétérinaire s'arrête chez les Mauvoisins. Comme d'habitude, on le reçoit avec plaisir et on l'invite à s'asseoir. C'est alors que, sans s'en rendre compte, Solange, la mère de famille, se trahit. Lorsque le docteur Lavaronnière explique que Madame Anguerny est revenue au domaine, Solange, mon voisin, esquisse une grimace, comme si, d'un seul coup, elle se sentait mal à l'aise. Henri Lavaronnière s'en rend compte, mais il ne dit rien. Puis, après un dernier verre, il prend congé. Et là, à peine a-t-il franchi le seuil de la porte, qu'il aperçoit au loin Madame Anguerny, qui lui dit avec toute la gravité de circonstance... N'allez plus chez les Mauvoisins, docteur. Ce sont eux qui vous ont jeté un sort. Je l'ai vu de mes yeux. C'est elle qui a lancé un crapaud maléfique dans votre jardin. C'est Solange, la sorcière, me hurlait Madame Anguerny. Cela faisait plusieurs semaines que je réfléchissais à l'implication de quelqu'un que je connaissais. Un cousin jaloux, un ancien employé mécontent, un autre propriétaire désireux de s'accaparer mes terres. J'aurais été douloureusement peiné, mais j'aurais pu l'admettre. Mais les Mauvoisins, non, je n'aurais jamais osé y penser. Le docteur Lavaronnière s'effondre. Sa femme se précipite pour le porter à l'intérieur. Madame Anguerny repart alors au champ avec le sac de cuir contenant des poils de mouton et elle revient avec de la suie. Et pour elle, ça y est, le sort a été inversé, les Lavaronnières sont libérées. Dans les jours qui suivent, le vétérinaire croise Jules Mauvoisin. Ce dernier lui explique que sa femme est chez le médecin, car elle s'est renversée une grande casserole d'eau bouillante sur les pieds et que, depuis la veille, leur maison est la cible de bien des malheurs. En ville, les langues se délient. Tout le monde savait, pour les histoires du docteur Lavaronnière, les gens du village, mais aussi les escrocs de toute la région qui ont fait leur beurre sur la crédulité du pauvre médecin. Tout le monde, parce que la Solange, elle racontait tout, faisant passer le vétérinaire pour un fou, mais oui, monsieur. Et c'est bien par jalousie qu'elle a agi. En jetant un sort sur les terres d'Henri Lavaronnière, elle voulait que celui-ci prenne peur et abandonne le terrain qu'elle et sa famille méritaient plus que lui, pensait donc. Après toutes ces années de labeur à vivre dans la pauvreté et dans la promiscuité, il était temps que ses voisins, les bien-aimés, mots voisins, mots comme mal au pluriel, il était temps qu'ils récupèrent la propriété du docteur. Alors, on peut pas affirmer, c'est des choses qu'on n'affirme pas. Non, ça se dit qu'il est sorcier. Oui. Hein, mais accuser quelqu'un d'être sorcier, ça doit être dur. Ah oui, on peut pas le dire. Hein, si ça peut pas... Un jeune film, tu crois pas? Ils disent pas s'ils font du mal. Hein, on n'accuse pas quelqu'un de sorcier, ça doit être une insulte. Je sais pas où balle la. On dit, les gens disent qu'il est sorcier, et on le dit aussi. Mais l'accusé a un truc à vieux, comme on dit. Mais on peut pas dire ça ouvertement. Pourquoi? Parce que, c'est une accusation. Parce qu'on a la trouille qui nous fout de quelque chose. Non, ça... Oui, parce que dans le temps, quand on pensait justement au fait d'un sorcier, on disait, je te renonce sorcier. Et dans sa voix, on disait trois fois sans respirer, sorcier bigoude, quand je te vois, je te doute, sorcier bigoude, quand je te vois, je te doute, sorcier bigoude, quand je te vois, je te doute. Et puis on était. Oui, on craignait plus le sorcier. C'est dans la région de Bourges, ça. Faut-il dénoncer les sorciers et les sorcières? Sur ce point, vous le voyez, les habitants du Berry ont leur idée. À l'automne suivant, après des mois à vivre à l'écart de la famille Beauvoisin, Henri Lavaronnière décide de ne pas renouveler le bail qui leur permet d'occuper la maison attenante à la Grugne. Ces derniers déménagent, mais pour autant le préjudice demeure, car le vétérinaire croise de temps à autre Solange Beauvoisin. Il la voit se rendre à proximité du domaine de Bois du Croc, où elle récite des incantations mystiques. C'est alors que le docteur Lavaronnière découvre que les Mauvoisins bénéficient d'un droit de préemption de 10 ans pour récupérer les terres du Bois du Croc. Autant dire que la décennie à venir va être un enfer. Et il imagine qu'un terrible malheur va le frapper avant cette date fatidique, ce qui plonge le docteur dans un état de paranoïa avancé, car de grands malheurs, il n'y aura pas. En 1973, épuisé, lassé, presque entièrement ruiné, Henri Lavaronnière finit par abandonner ses terres du Berry. Sa femme, sa fille et lui repartent, des cauchemars plein la tête. Henri Lavaronnière décédera quelque temps plus tard. Une mort naturelle pour un ensorcelé du Berry. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, coule comme un des mortels, croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, page pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, lucioles, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes. Émissaires, gargouilleuses et mufières gorgones, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. suprême. Mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les sorcières du Berry avec deux invités. Patrick Penaud, bonjour. Bonjour. Et en duplex, dans les studios de France Bleu Auvergne, Philippe Alfonsi, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? M'entendez? C'est bien, bah, parfaitement. Bien. Exactement. Bien. Vous avez tous les deux enquêté sur cette affaire au cœur même du Berry. Vous avez retrouvé, disséqué le journal personnel d'Henri Lavaronnière et interviewé plusieurs protagonistes de cette histoire. Et vous êtes les auteurs d'un livre intitulé L'œil du sorcier, réédité aux éditions de Boré en 2011. Patrick Benoît, on est donc là dans la région, je le disais, du côté de Nohant. Oui, pas très loin. Chez Georges Sand. Voilà, je sais, pour fixer le, oui, voilà. Oui, la région de la Châtre. Du côté de la Châtre, exactement. Peu le point de ralliement, oui, de ralliement, oui. C'est là qu'il y avait l'hôtel. On a changé plusieurs fois d'hôtel, non, et puis on a fini par louer une maison. Bon, alors Patrick Penaud, je suis sûr que notre nouvelle rencontre ici en direct va faire plaisir à bon nombre d'auditeurs qui continuent à avoir un cousinage entre Monsieur X et Affaires Sensibles. C'est vrai que la démarche est pourtant différente, mais l'objectif est commun, en effet, raconter des histoires qui fascinent, qui font peur, qui vrai, oui, en tout cas. Oui, voilà. Oui, une histoire vraie. Bien. Oui. Alors, déjà, tous les deux, on va commencer par Philippe Alfonsi, puisqu'il est au téléphone. Hein. Ouais. On va être courtois. Comment vous êtes retrouvés, embarqués dans le Berry à la recherche des sorciers et autres leveurs de sorts? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui nous a motivé, c'est Pierre Dumayet. Pierre Dumayet qui était tombé sur des rapports de gendarmerie qui l'avaient amusé. Et vous m'avez passé la parole, c'est très bien, c'est gentil, mais c'est surtout Patrick qui va vouloir répondre, parce que c'est lui qui est parti. Oui, il est parti la première fois pour tourner pour Pierre Dumayet, pour je ne sais plus quel magazine, je crois que c'était Panorama, je ne me rappelle plus très bien. Mais c'est lui qui a fait le premier documentaire là-dessus, et qui est revenu en disant, oui, il y a un sujet formidable, il faut absolument qu'on s'y attelle, et on s'y est attelé tous les deux. Voilà comment ça a commencé. Ça a commencé par la télévision. Et Patrick, comment a réagi Dumayet? Il vous a dit c'est une bonne histoire? Oui, oui, Dumayet, il était enchanté. Je crois qu'on avait appelé ça « Sorcier de village ». C'est un film d'une heure, réalisé par François Ribadeau-Dumas, de façon très, très talentueuse. Et la suite était presque inévitable parce qu'on a reçu une montagne de courriers de gens qui se prétendaient ensorcelés. Mmh. Alors on a commencé à défricher avec Philippe. Moi je me souviens que je suis allé voir, parce que c'est pas, bon, là on parle du Berry, mais on pourrait parler de sorcellerie dans bien d'autres régions de France et même à Paris. Moi, j'ai reçu beaucoup de lettres de Parisiens et Parisiennes, et je me souviens que j'ai fait des visites à domicile de prétendus ensorcelés, surtout des femmes, et à la fin, après 3 ou 4 heures d'entretien, elles me demandaient combien je vous dois. Ah oui, carrément. J'aurais pu faire fortune. Est-ce que quand les Berrichons vous parlaient de cela, quand vous êtes allé les voir, Philippe Alfonsi par exemple, c'était sérieux, on sentait, c'était pas une plaisanterie, ça leur faisait peur, ça les angoissait vraiment? Ah oui, bien sûr qu'ils étaient très très angoissés. D'ailleurs, c'est un petit peu le fond du problème. La sorcellerie dans les campagnes, enfin à cette époque-là, et je présume qu'aujourd'hui ça n'a pas dû beaucoup beaucoup changer, bien qu'elle ait évolué. Hein, on la trouve maintenant sur Internet, on la trouve partout. Bon, ça, il faut pas croire que c'est passé. Au contraire, c'est quelque chose de très très à la mode. Le problème, c'est qu'il faut bien dire une chose. On l'a remarqué tout de suite. Ce qui est important, c'est de faire savoir à celui qu'on veut ensorceler qu'il est ensorcelé, parce que c'est très important de le faire savoir. On le fait savoir soit par par des gens qui le connaissent, soit en lui laissant une saloperie devant sa porte, une tête de chouette coupée ou un truc comme ça, bon, et on lui fait savoir qu'il est ensorcelé. Et à partir de là, commence un vrai travail, j'allais dire, d'introspection et de d'autosuggestion. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est arrivé à la Varonnière. Hein. Ah oui. Il a beaucoup participé à son propre ensorcellement, s'il faut le dire. C'est important de faire savoir d'abord qu'on est ensorcelé. Et à partir de là, la machine, la mécanique s'embraye. Alors c'est une mécanique très précise dans la sorcellerie. Hein. On envoie un sort, alors on va trouver un leveur de sort qui lui va vous dire en effet vous êtes ensorcelé, on va lever le sort et on va le renvoyer, parce que ça se voit comme une balle de ping-pong, ça. Bon. Et de temps en temps, le leveur de sort lui dit ah non, celui qui est en face de vous est beaucoup trop puissant, je n'y frotte pas. Voilà. Et là, ça commence, l'angoisse, la peur de la mort, voilà tout ça. Et c'est quelque chose de très, très, comment dire, c'est très bien mis au point, cette mécanique-là. Voilà, c'est quelque chose, il faut y croire. Et alors, les gens y croient, donc bien évidemment, et ça fonctionne par autosuggestion, beaucoup plus que par, de façon opérationnelle directe. Je crois que c'est vraiment. C'est vraiment une question de croyance et d'autosuggestion. Voilà. Alors, Patrick Pelleau, le docteur Lavaronnière, quel genre d'homme ? Ah, c'était un très bel homme, d'abord, qui présentait très bien. Culotte de cheval, bottes... Il venait de Normandie où il avait fait fortune, fortune. C'est pour ça que la vieille dame venait de Lisieux, j'imagine, non ? Oui, d'accord. Oui, parce qu'il l'a connu, et pour son malheur, il l'a connu à Lisieux. Je dis pourquoi ? Pourquoi pour son malheur ? Parce que... L'histoire est la suivante. Un jour, cet orgueilleux vétérinaire va chez un client, un éleveur, qui avait une vache malade. Mmh. Voilà. Pourquoi elle était malade, la vache ? Parce qu'elle avait avalé, en paissant, elle avait avalé un objet étranger. Mmh. Et qui avait atteint le péricarde. Et Lavaronnière... C'est pas son vrai nom, hein, vous imaginez bien. Enfin, le personnage qu'on appelle la Lavaronnière est catégorique, votre vache est condamnée. Ouais. Et puis il revient une semaine plus tard, par hasard, et la vache est vivante. Et le propriétaire de la vache dit, bah oui, j'ai fait appel, madame machin. Cette fameuse dame. Oui, voilà. À qui va faire appel après. Ouais. Et ça le trouble, parce que d'un seul coup, ces certitudes scientifiques sont atteintes. Et alors là, il essaie de se renseigner, il va aller la voir, cette brave dame-là, cette brave guérisseuse, et il va essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et puis, cette première croyance un peu ésotérique va le suivre dans le Berry, où là, il va être simplement victime de ses voisins, effectivement, et aussi victime de sa folie des grandeurs, parce que il veut leur montrer à ses rustres que lui, hein, la Lavaronnière, il est capable d'élever des moutons et sur une grande échelle. Vous vous souvenez, Patrick Pelleau, que vous avez dans votre documentaire interviewé un leveur de sort ? Ah, bien sûr, oui. On va l'écouter. Hein ? Ah, allez, avec on plaisir. Manic, vous aviez des talents pour lever les sorts aussi. C'est pas vrai, ça ? On m'a dit que vous occupiez d'un peu de ça. Hein. Pour se décondir à temps. Ok, c'est pour rendre service aux gens que vous le faites, non ? Un peu, oui. Ça a l'air de vous ennuyer de parler de ça. On en parle le moins possible. Comment vous faites, vous ? C'est des choses inexplicables, ça. Vous avez une technique, vous avez quelque chose pour... Oh, c'est des dons qui viennent de famille, ça. Toute votre famille, oui. Depuis très longtemps ? Oh, assez longtemps, oui. Alors, il y a des gens qui viennent vous voir pour... De temps en temps, oui. Ils vous disent, j'ai des ennuis, je suis envoûté, Oh, oui, ça dépend. On va se casser. Mais ça se pratique encore beaucoup par ici, ces choses-là ? Oh, partout. Dans toute la campagne, là, ici ? Un peu partout, au moins. Mais dis donc que vous avez du mérite d'interviewer des gens comme ça. Vos questions ne sont pas longues, mais les réponses sont quasiment plus longues que les questions. Les questions sont plus longues que les réponses. Mais bon, je me souviens, mutisme, c'était sur, au milieu d'un chemin, ce bonhomme qui était pas très avenant. Oui, si, il a pas l'air. J'ai eu un peu de mal à le faire parler, et on le disait tout à l'heure en antenne, mais quand le producteur Dumayet a vu ces images, il était très content, mais il m'a dit, dis donc, t'as l'autorisation de passer ça à la télévision? Je dis, pas vraiment, parce que c'était un peu volé comme une interview. Alors il m'a obligé à retourner dans le Berry. Pour avoir une autorisation écrite. Et ce type-là, pas très sympathique, il m'a signé une autorisation. Ça, c'est assez incroyable. Donc, pas avenant, mais sympathique. Bon. Au bout du compte. Oui. Arrangeant, en tout cas. Oui, arrangeant. Bon, on va dire ça. Oui, arrangeant. Philippe Alfonsi, quel souvenir vous gardez des gens du coin, si j'ose dire, hein? Parce que là, on peut dire gens du coin, parce qu'ils se connaissent, pour le coup, se racontent les mêmes histoires, souffrent des mêmes mots. Quel souvenir vous en gardez? C'est des gens tout à fait normaux, absolument normaux, des paysans comme on en connaît beaucoup. Non, ils n'ont absolument rien d'exceptionnel, hein. C'est des gens comme vous et moi, voilà, mais simplement ils sont dans un monde particulier, avec une culture particulière. Dont d'ailleurs je vous disais tout à l'heure, qui est quand même très répandu aujourd'hui, mais sur d'autres, voilà, plus seulement dans les campagnes, mais même sur Internet, allez voir, vous verrez, c'est extraordinaire, ce qu'on peut raconter sur la sorcellerie. Alors, à de nombreuses reprises, le docteur Lavaronnière a été victime de charlatans ou d'escrocs. C'était quand même la porte ouverte à ce genre de choses, ces croyances en la sorcellerie, Philippe Alfonsi. Il y en avait, des escrocs, il y en a énormément. Mais attention, il y a des escrocs, mais il y a des gens qui se... Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un comme celui qui a été interviewé par Patrick, par exemple, est un escroc? Je pense pas. Il pense réellement... Il a du mal à le dire, on l'a entendu. Mais il pense réellement qu'il peut aider les gens et qu'il est leveur de sort. Bon, il croit réellement qu'il a en effet un don familial. Il y croit. Il y croit, comme les gens à qui s'adressent à lui y croient également. C'est qu'une question de croyance, c'est qu'une question de... Alors voilà, la croyance, à un moment donné, dans toute croyance, il y a des flibustiers qui se glissent, hein, ça c'est clair. Bon, et en effet, il y en a des gens qui en profitent, alors honteusement. Mais au fond, on n'en a pas tellement rencontré dans le Berry. Je ne me souviens pas, Patrick, si non, on en a non, rencontré. Non, ceux ce qu'on a vus, ils croyaient. Alors, mais le problème, Philippe, souviens-toi, c'est que un leveur de sort, ça peut être aussi acheteur de sort. Donc c'est très ambigu. Oui. Bon, parce que pour riposter... Qui peut le bien, peut le mal, je vous répète, tous les gens qui croient à ça, qui peut le bien, peut le mal. Voilà. On est benjovant ou maljovant, si j'ai bonne mémoire, c'était ça l'expression dans le Berry. Et voilà, on peut le jeteur de sort est également... Enfin, le leveur de sort est également capable d'en jeter, puisqu'il le renvoie d'ailleurs de toute façon. Ben sort, oui. Donc il est capable d'en jeter. Bon, je vais faire un tour, moi, quand il a discuté. C'est très bien. Alors, est-ce que vous avez, Patrick, rencontré la Solange, mon voisin? À ma connaissance, je crois pas. Est-ce qu'on l'a... On a dû la croiser oui, en allant... Vous avez dû parce la croiser. Que, oui, parce que c'était la demeure la plus proche. Et dans l'histoire, c'est elle qui aurait acheté un sort. Oui, bah c'est ce que tout le monde dit dans le pays. Hein, c'est pas, en plus. Nous, on l'a écrit prudemment. on n'allait pas provoquer, comment dirais-je, le malheur de cette dame, ou on n'allait pas la faire lapider par les berrichons quand même. Donc, il est vraisemblable qu'elle a tout fait, comme le disait Philippe, pour faire croire au vétérinaire qu'il était ensorcelé. C'est ça qui est important. Alors, est-ce que vous, honnêtement, tous les deux, Philippe Alfonsi et Patrick Penaud, oui, nous a beaucoup frappé à l'époque. Allez-y. Il y avait l'histoire de la magie de l'œuf. C'est l'œuf qu'elle enterrait dans les terres du docteur Lavaronnière. Et on a retrouvé, en effet, cette magie de l'œuf. C'était quelque chose qui existait depuis fort longtemps. Et qui était, en effet, quelque chose qui pouvait distribuer la mort de façon sélective. Parce qu'il y a une chose tout à fait étonnante dans Lavaronnière. C'est qu'il a eu des réactions, en effet, de scientifiques. Il a mis ses moutons, il les a mélangés avec d'autres qui n'étaient pas à lui. Or, les siens mouraient, les autres ne mouraient pas, etc. Il y avait une mort sélective. Donc, c'est lui qui en a tiré tout de suite la conclusion. Et on a retrouvé, en effet, la trace de cette fameuse magie de l'œuf qui existe depuis fort longtemps et qui est une magie qui permet de distribuer la mort sélective. Voilà. Donc ça, ça nous avait beaucoup frappé. C'est peut-être la seule chose, d'ailleurs, qui nous est jamais un peu interloquée dans cette enquête. Enfin, je crois bien qu'il n'y a pas autre chose qui nous ait vraiment bouleversé. Mais ça, c'était étonnant de découvrir tout d'un coup qu'en effet, ce que employait cette dame, eh bien, c'était une magie très, très connue, et, enfin très connue, du moins très ancienne et qui existait même dans des livres, etc. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Philippe Alfonsi, parce que c'est vraiment l'heure. Merci infiniment. C'est qu'à vous, Patrick Pédot, et si les auditeurs veulent en savoir plus, eh bien qu'ils lisent L'œil du sorcier, puisqu'il a été réédité aux éditions de la Borée en 2011. Merci, messieurs. Au revoir. C'est l'affaire sensible aujourd'hui, les sorcières du Berry, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr, et merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.